les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Les nuisances sonores liées au bruit de comportement peuvent être sanctionnées dès lors qu'ils troublent de manière anormale le voisinage de jour comme de nuit. Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit par un individu, qu'il soit locataire, propriétaire ou occupant, ou par une chose, un instrument de musique, une chaîne Hi-Fi, outil de bricolage, etc., ou par un animal, des aboiements par exemple. Lorsque ces bruits sont commis la nuit, c'est-à-dire entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne. Alors en journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il est répétitif, intensif ou qu'il dure dans le temps. À savoir les nuisances olfactives du type barbecue, ordures, fumier ou visuel, une gêne occasionnée par une installation par exemple, peuvent aussi constituer un trouble anormal du voisinage. La nuit, lorsque le bruit est commis entre 22h et 7h du matin, l'infraction pour tapage nocturne est possible sans que ce bruit soit répétitif, intensif et qu'il dure dans le temps. L'auteur du tapage doit toutefois être conscient du trouble qu'il engendre sans prendre les mesures pour y remédier. Alors, dans tous les cas, il est recommandé successivement de s'entretenir avec l'auteur du bruit pour l'informer des désagréments, de demander à la mairie s'il existe un arrêté sur le bruit en cause, et si l'immeuble est en copropriété, il est utile de vérifier le règlement de copropriété par rapport à ces nuisances. Il est également appréciable d'adresser à l'auteur du bruit un courrier simple, puis recommander avec avis de réception si la gêne persiste. On peut également recourir à une tierce personne pour tenter de régler le conflit. Et enfin, faire appel à un huissier de justice si les nuisances se répètent pour établir un ou plusieurs constats en vue d'un éventuel recours contentieux. Dans certains cas, vous pouvez également faire appel aux forces de l'ordre pour faire constater le trouble. Vous pouvez faire appel aux forces de l'ordre, la police, gendarmerie ou police municipale, pour constater le trouble si l'auteur agit de nuit de 22h à 7h, quel que soit le type de bruit commis. Le bruit doit être audible d'un logement à l'autre. Vous pouvez également appeler la police et gendarmerie si l'auteur agit en plein jour et commet des nuisances injurieuses, intenses, répétées ou longues. À savoir, une amende forfaitaire peut alors lui être infligée à hauteur de 68 euros. Une personne victime de multiples menaces ou insultes pour de faux motifs de nuisances sonores peut également porter plainte pour du harcèlement. Enfin, pour finir, si vous souhaitez obtenir réparation du préjudice, un recours devant un tribunal civil est nécessaire. Vous devez alors démontrer la réalité de votre préjudice du fait des nuisances sonores. Pour cela, vous devez réunir un maximum de preuves à l'appui de votre demande. Courrier échangé avec l'auteur du bruit, le constat d'huissier, des témoignages, pétitions et certificats médicaux si votre état de santé s'est dégradé. Toute preuve est recevable par le tribunal à condition qu'elle ait été recueillie loyalement. Par exemple, vous ne pouvez pas photographier ou filmer votre voisin dans son domicile à son insu. La juridiction compétente dépend des sommes en jeu dans le litige. Pour un litige inférieur à 10 000 euros, c'est le tribunal d'instance. Pour un litige supérieur à 10 000 euros, c'est le tribunal de grande instance. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.